Chapitre 10e. Que rire est-ce qu'il y a de meilleur ? Le lendemain matin, Zahra, Karim, la mère de celui-ci et sa sœur prennent le petit déjeuner en compagnie de la mère de Zahra. Des gâteaux traditionnels ornent la table basse. Ils furent achetés auparavant par Zaya dans un proche magasin. La mère de Karim s'adresse à son fils. « Tu as des amis vraiment bons, Karim. Peu d'amis, cependant vrais et intelligents. Pourquoi dis-tu ça, maman ? J'ai vu les cadeaux qu'ils t'ont offerts. Ah ! » réplique Karim, enchanté. Ce dernier découvrit avec un profond plaisir les dons en question. Sélafide et le vieil imam donnèrent des livres, le premier, la lettre sur le bonheur d'Épicure, et le second, Incohérence de l'incohérence d'Averroès. Voici les cadeaux des autres amis. Akli, le boulanger, 20 litres d'huile d'olive pure provenant de sa famille en Kabylie. Si Hamid, le vieux planteur d'arbres sur la place, plusieurs paquets de graines pour le petit jardin, dit-il à Karim, que tu projettes d'établir sur ton balcon. Rachid, le coiffeur, un appareil digital pour réaliser des photos que toi et ton épouse verrez avec émotion quand vos cheveux auront la couleur de la neige du Djurdjura en hiver. Fatma, la collègue de Karim à l'hôpital et camarade au syndicat autonome de l'établissement, fut également invitée au mariage de Karim. Elle offrit un livre, « Dieu et l'État » de Michel Bakounine. « J'ai appris, déclara-t-elle, ce que je concevais déjà, sans pouvoir l'expliquer de manière convenable, que la liberté n'est pas une affaire individuelle, c'est une question sociale collective. » Fatma accompagna son cadeau par cette dédicace, joliment écrite à la main. « Cher frère Karim, grâce à toi, je me suis marié avec la liberté solidaire, en attendant de trouver un bon compagnon de vie. À toi et à ton épouse, tous mes vœux de bonheur. Ta sœur Fatma. » Quand Karim informa Sélafide au sujet de ce cadeau de mariage et la dédicace l'accompagnant, le vieil homme eut le plus franc et le plus éclatant rire, au bout duquel il déclara, tout heureux, « Tu vois, cher Karim, il suffit de semer la bonne graine, et si le terrain est fertile, vient la bonne récolte. » Il ajouta, « Voici une autre très heureuse nouvelle, que tu connais déjà sans doute. Les divers syndicats autonomes ont tenu des réunions en vue de constituer une unique confédération. » Et le vieil homme eut un deuxième éclat de rire heureux. « Il reste, nota Karim, à résoudre l'inévitable et maudit problème, se débarrasser du cancer du leadership, afin d'œuvrer ensemble d'une manière authentiquement collective. » Sélafide répliqua, d'un ton plaisantin, « C'est comme dans l'agriculture, veillez à ce que la bonne récolte ne soit pas abîmée par des parasites. »